la paix habite dans tes murs. Jérusalem, j'aimerais tant que la paix anime tous les cœurs. Jérusalem, je prie Dieu pour que la paix remplace tous les murs. Jérusalem, je loue Dieu pour cette paix qui comble de bonheur. Oui, que la paix soit plus forte que les mots prononcés pour le mal. Oui, que la paix soit plus grande que les cris des soldats en colère. Oui, que la paix soit plus belle que les coups des hommes qui font le mal. Oui, que la paix soit plus simple que les gens qui n'aiment que la guerre. La joie habite les maisons. Jérusalem, j'aimerais tant que la joie anime les familles.